Car la nuit succède au jour, comme l'encre avec laquelle je t'écris. Et l'aube succède à l'incertitude, comme ta caresse à une peine. Chaque attente oignit notre joie, comme la lune oignit le monde, valorisant les impositions, aussi incompréhensibles soient-elles. Et ne bois plus ma bien-aimée dans des coupes données sans cœur, ni ne te nourris de l'épi que les car Dieu, hélas, m'a oint comme prophète et m'a accordé toutes ses bénédictions pour juger les vivants et les morts. Mais je ne suis pas que moi, je suis toi aussi. Aucun de mes